Le carnaval de mon adolescence, eh ben, c'était d'abord un déguisement, et puis aller traîner dans la rue avec les masques, ce qu'on appelle la bande chez nous. Parce qu'on ne fait pas carnaval, on fait la bande. Et puis voilà, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le carnaval. Parce que le carnaval ne se raconte pas, il se vit. C'est surtout ça, c'est des émotions qui se vivent. Quand on grandit, on fait les chapelles parce qu'on est invité un peu partout et ça s'appelle les chapelles. Donc, quand on est de Dunkerque et qu'on connaît forcément du monde, et parfois beaucoup de monde, eh ben on a des haltes privilégiées chez l'habitant qu'on appelle des chapelles. Voilà. Non, alors moi, une spécificité, c'était bande de Dunkerque et bande de Malo. Alors, Rosendal, c'était, oui, le pays de mon épouse. C'est une pure rosendalienne. Donc, la bande de Rosendal, on était invité chez ses parents et ailleurs. J'ai jamais fait la bande de Rosendal. C'était assister à ça. Mais donc, voilà. Quoi puis-je vous dire encore? Ben que quand on fait carnaval, on ne boit pas une goutte d'alcool, bien sûr. Ça va de soi, n'est-ce pas? Carnaval, c'est plein de chansons, bien sûr. C'est ce que j'ai dit, c'est plein de joie de vivre. Et puis voilà, c'est d'abord un état d'esprit, je pense. Et quand on est dunkerquois, on est forcément carnavaleux. Alors là. Copinard, c'était. Alors, il est mort, donc paix à son âme, mais c'était un fier ivrogne. C'était ça. Et alors, je le connais personnellement parce que il était de profession sapeur-pompier. Et ma femme avait un oncle. Et forcément, par alliance, c'était un tonton par alliance. Et il était sapeur-pompier, lui, de profession. Donc, Copinard, c'était un grand copain à lui. Hein. Alors, Copinard, c'était une sacrée vedette, hein, ça, on peut le dire. On peut le dire. Voilà. Oui, alors, des anecdotes, bah, il y en a plein qui passent par lever le coude. Mais c'est ça. Alors, personnellement, tous les ans, il m'invitait quand il préparait les colis des pompiers. Parce que les pompiers, ils avaient un colis que la profession leur distribuait pour la Noël. Et donc, mon copinard, il aidait à la mise en place des colis Noël. Bon, donc, il m'invitait tous les ans à aider, si l'on peut dire, à mettre en place ces colis de Noël. Donc, j'allais à la caserne, puis j'allais voir. Mon oncle qui était son collègue. Et puis voilà, on se retrouvait dans le local des pompiers qui servaient à ça. Et puis enfin moi je faisais pas grand-chose, mais enfin on aidait à faire les colis de la Noël. Voilà. On le croisait pendant le carnaval, mais lui il était en fonction de tambour-major, donc, il se mêlait pas. Et alors, bon, le carnaval se faisait entre hommes. Les femmes à la maison pour soigner les enfants, comme on disait. Donc, mon épouse venait pas forcément avec moi, mais on se retrouvait pendant ou en chapelle. J'ai expliqué ce que c'était qu'une chapelle chez nous. Et puis voilà quoi, comment se déroulait l'histoire. Alors une anecdote, ben, il y en a plein des anecdotes hein, de carnaval. Alors ça passe, dans les anecdotes, ça passe par rentrer chez soi pas très clair. Il sourit donc il le sait, pertinemment. Et voilà, c'était la grande fête à la Picole, le carnaval aussi. Là, allons-y tout simplement. Et quand on s'aime, il n'y a pas de problème. Mais ton nez dans le trou ne. Ça sent la rose. Allons-y, allons-y tout simplement.